Excuse-moi, tu parles français ? Oui, et je parle aussi anglais, vietnamien et japonais. Waouh ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Tuan. Je suis musicienne. Tu es japonaise ? Non, je suis vietnamienne. Et vous ? Pardon. Et toi ? Moi, je m'appelle Vladimir. Je suis russe et je suis chanteur.